Notre cours de l'histoire, Xavier Mauduit. C'est à chaque fois la même émotion quand la salle est plongée dans le noir. Puis un faisceau de lumière dans lequel dansent quelques grains de poussière passe au-dessus des têtes des spectateurs. Aussitôt, la magie opère. Nous nous trouvons projetés face à un tigre et face à un dragon. Nous partons à la recherche du secret des poignards volants. Soudain, surgissent épouse et concubine. Elles sont sublimes, mais hélas, il faut se séparer très vite. Adieu ma concubine. Oui, les cinéastes et les acteurs chinois nous offrent une formidable lecture du monde. D'ailleurs, Bruce Lee, il y a des arts martiaux et de l'art tout court dans le cinéma chinois. Il y a de la politique aussi, voire de la diplomatie. La séance vient de commencer et elle n'est pas prête de se terminer dans le cours de l'histoire. Il était une fois en Chine, le cinéma. Cette semaine, le cours de l'histoire part en Chine. Chine-Occident, comment l'affaire a mal tourné? Et ce matin, la séance est consacrée au cinéma chinois, des studios des années 1930 au film d'aujourd'hui. Oui, comment le cinéma chinois est devenu un outil diplomatique, culturel, évidemment, politique, incontournable. Des émissions que vous pouvez réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, ou bien en podcast, la balado-diffusion. Puis vous pouvez nous rejoindre pour discuter sur le groupe Facebook, le cours de l'histoire. Et aujourd'hui, pour nous parler du cinéma chinois, nous recevons Anne Kerland, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne spécialiste de la Chine, vous êtes directrice de recherche au CNRS et l'auteur de Hollywood à Shanghai, l'épopée des studios de la Lianhua 1930-1948. Lianhua, c'est bien ça? C'est bien ça, Lianhua. Nous sommes où avec Lianhua? Nous sommes principalement à Shanghai, mais aussi quand même, et c'est l'intéressant, à Hong Kong, à Pékin, dans une volonté d'une Chine unie. Qui n'existait pas encore. Une Chine unie qui n'existait pas encore et dont le cinéma est un moyen, un vecteur d'unification, ou en tout cas d'identité politique. Vous allez nous parler de tout ça, Anne Kerland, et ce matin dans le cours de l'histoire également, Nachidil Rouaï, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur de l'université Paris 4, docteur en géographie, donc il nous faut des géographes pour parler également d'histoire et c'est important. Vous êtes chercheuse associée au laboratoire Espace Nature et Culture du CNRS et votre thèse s'intitule « Ciné-géographie hongkongaise, le Hong Kong cinématographique, outil du soft power chinois, soft power ». On rappelle ce que c'est ? Le soft power, c'est la stratégie d'influence de la Chine et le pouvoir d'attraction de la Chine également. Et donc le cinéma est un outil essentiel, on peut dire, dans le temps long, aujourd'hui évidemment, mais dans le temps long aussi. Absolument, absolument. Le cinéma, de manière globale, la culture est un outil essentiel et le cinéma à l'intérieur des œuvres culturelles est un outil central. À la fin de l'émission, nous retrouverons Anaïs Yen pour son journal de l'histoire, mais pour le moment, sachez qu'il y a des roses partout. Oui, des roses partout, c'est le titre d'une chanson de 1936 interprétée par Chuk Swan. Chuk Swan est une chanteuse, évidemment, puisqu'elle chante. Mais comme beaucoup de ses collègues, elle est également actrice dans les années 1930 et grâce à elle, nous sommes tout de suite dans l'ambiance. Anne Kerland, nous venons d'entendre une chanson de 1936 intitulée « Des roses partout », une chanson en chinois, d'une chinoise, Chu Tsuan, qui est donc une actrice de ces années 30. Nous sommes, il faut le rappeler quand même, dans un contexte particulier de la Chine, dans les années 1930. C'est une république, la Chine, à ce moment-là. Oui, c'est une république depuis 1911, depuis la chute de la dynastie Mandchou. Mais c'est une république qui a beaucoup de mal à s'imposer, aussi bien sur le territoire chinois que, on va dire, au niveau international, par rapport à des puissances étrangères, États-Unis, Grande-Bretagne, France et Japon. rêve de s'imposer politiquement, économiquement sur le pays. Oui, de la politique en fait du 19e siècle où l'Occident voulait mettre la main sur la Chine n'est pas vraiment terminée. Et au milieu du 20e siècle, encore, il y a un regard sur ce territoire immense. Plus qu'un regard. Pour la Chine, en fait, le pays est en forme est colonisé, en tout cas dans certains endroits. Shanghai avec les concessions, mais aussi Pékin, Tianjin, Canton, où la présence étrangère est très forte. Et par ailleurs, il y a toute cette problématique du Japon qui envahit le nord de la Chine en 1931, l'occupe et va ensuite faire la guerre à Shanghai en janvier 1932 pour finalement envahir la Chine à partir de 1937. Donc la Chine est à ce moment-là dans une position de faiblesse, de vulnérabilité par rapport aux puissances occidentales. Et vous, Anne Kerlan, en étudiant particulièrement le cinéma chinois, vous regardez la ville de Shanghai, qui, à l'intérieur de l'ensemble chinois, est elle-même particulière. Vous avez parlé du système des concessions. Il y a une présence occidentale très forte à Shanghai. Oui, Shanghai est une des premières villes avec Canton où les Occidentaux ont eu le droit de s'installer avec un régime spécial, puisque dans les concessions, l'administration n'est pas chinoise, la juridiction n'est pas chinoise. Donc, dans certaines parties de Shanghai, les Chinois ne sont pas décideurs de ce qui se passe, de ce qui se passe pour la population. Et les Occidentaux, évidemment, s'installent là, notamment pour développer toute une économie, des entreprises qui souhaitent commercer avec la Chine et faire du bénéfice et qui imposent donc leur façon de vendre, de travailler sur les Chinois. Et leur culture également, c'est-à-dire qu'il y a une présence culturelle très forte de l'Occident. Nous avons entendu en tout début d'émission Chuck Swan, donc une actrice chanteuse des années 1930. Nous sommes avec Shanghai dans une interface culturelle très nette. Oui, tout à fait. C'est un moment où, en effet, Shanghai est un peu considérée comme à la fois la ville la plus moderne, la plus occidentalisée. C'est une ville où les Occidentaux ont permis le développement du tramway, de l'électricité, du téléphone et le cinéma, pour en revenir au cinéma, est extrêmement présent à Shanghai avec d'immenses théâtres de plusieurs milliers de places et qui ont été construits sur le modèle des cinémas, des salles de cinéma qu'on trouve par exemple aux États-Unis et qui sont d'ailleurs bien souvent gérées par des personnes en lien avec des compagnies étrangères. Donc la présence occidentale et en particulier la présence culturelle occidentale à Shanghai est particulièrement forte, ce qui fait de cette ville à l'époque, on parle d'une ville très cosmopolite. Anne Kerlan, les films projetés dans ces cinémas sont des films occidentaux ? Alors oui, pour très majoritairement, alors ça varie sur la période, mais on est à 70, 80, voire un peu plus de 80% de films projetés sur les écrans qui sont des films d'origine occidentale et très très très très majoritairement d'origine américaine. C'est Hollywood à Shanghai. Et c'est dans ce contexte-là que des studios sont créés. Nous allons écouter Élodie Hubert qui va nous lire ce matin en direct dans le cours de l'histoire l'annonce de la fondation de ces studios, les studios Len Roy. Et une compagnie à responsabilité limitée. Nous sommes en août 1930. L'industrie cinématographique est parvenue, au cours de ces 12 dernières années, à prendre une place importante dans le monde de l'industrie. Elle est celle qui entretient les rapports les plus fondamentaux avec la culture nationale, l'éducation sociale, les arts nationaux, les sciences modernes, l'industrie mondiale et le divertissement de masse. Ces dernières années, les protagonistes de cette industrie ont assisté avec peine à l'invasion culturelle et économique de notre pays par des films importés de l'étranger. Parallèlement, la production nationale tombait en décadence et le public s'en détournait. Nous, gens de la profession, n'avions d'autre choix que de chercher une solution pour sauver de la crise nos salles de cinéma, ne serait-ce que dans notre propre intérêt. Nous ne pouvions pas ignorer les besoins des spectateurs de notre pays. Dans un moment aussi grave, il ne suffit plus de proposer quelques modestes idées. C'est pourquoi nous avons lancé le mouvement de renaissance de l'industrie cinématographique nationale. Avec l'industrie cinématographique, c'est de l'industrie nationale qu'il s'agit. L'annonce de la fondation de la compagnie responsabilité limitée cinématographique, ça fait beaucoup de syllabes, un peu de mots, Anne Kerland, des studios qui sont créés en 1930 à Shanghai, ces studios c'est l'Enroi, ont plusieurs objectifs, on l'a bien entendu dans ce que nous a lu Élodie Hubert, il y a un objectif politique évident. Oui, et il faut insister sur le fait que en Chine, la question politique est très liée à la question culturelle. On l'entend là dans cette annonce de fondation de la Lianhua. Par le culturel que les hommes, les entrepreneurs qui fondent le studio pensent pouvoir jouer un rôle politique. Et ça n'est pas du tout nouveau en Chine. Il y a vraiment quelque chose d'ancien hein, qui lie le culturel au politique. Les personnes qui autrefois qu'on appelait les mandarins et qui agissaient auprès de l'empereur, les fonctionnaires de l'empire étaient des personnes qui étaient à leur poste par un système d'examen fondé sur la culture. Et donc, il y a toujours eu ce lien extrêmement fort entre le culturel et le politique, et cette idée qu'une entreprise culturelle a également, et de façon, je dirais, tout à fait légitime, en vérité, un rôle politique à jouer. Qui sont ces personnes qui créent ces studios, l'Enroi ? Alors, ce sont des personnes justement qui viennent de différents milieux. Vous avez à la fois des hommes d'affaires qui ont investi dans le cinéma chinois débutant, donc gérant de salle, distributeur, producteur, réalisateur. Mais on a aussi des hommes d'affaires, des marchands, certains issus de la diaspora. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important à comprendre à l'époque, c'est l'importance de la diaspora chinoise, c'est-à-dire des personnes qui vivaient aussi bien à Hong Kong qu'en Asie du Sud-Est en particulier, et qui, là encore, croit que l'entreprise cinématographique va pouvoir jouer un rôle dans le développement de l'État chinois. Donc voilà. Et puis, vous avez aussi quelques hommes, on va dire, des artistes, dont un très grand acteur d'opéra qui s'appelle Mei Lanfang, et qui était à l'époque extrêmement révéré, respecté, notamment parce qu'il avait fait une tournée aux États-Unis et qu'il devenait très connu, y compris hors de Chine. Anne Kerland, vous parlez d'un acteur d'opéra. Nous avons entendu tout à l'heure une chanteuse et vous évoquez l'ancienneté du lien entre la politique et la culture en Chine. On pense tout de suite au théâtre. En fait, quand se met en place le cinéma chinois, c'est vrai qu'il y a une porosité entre ces différents mondes de la création. Ce qui les relie, en fait, c'est une conscience, une volonté d'agir politiquement en parlant au public chinois. Alors, il y a effectivement cette question qui est une question centrale, qui est comment, par la culture, éveiller les consciences. Comment, alors, la culture, effectivement, le théâtre, l'opéra, le cinéma, avec évidemment ce constat que le cinéma a la possibilité de toucher une population importante, même si à l'époque, dans les années 30, il faut quand même nuancer cela parce que la construction de salles de cinéma en dehors de Shanghai était quand même pas très importante et donc c'est avant tout les populations urbaines qui étaient touchées par le cinéma. Mais il y a effectivement cette idée que le cinéma, en particulier, peut être un outil d'éducation du peuple, un outil d'éveil des consciences. Oui, dans un contexte où la population est en partie illettrée. Donc le cinéma aussi a cet intérêt-là de pouvoir toucher tout le monde. Oui, et ça c'est quelque chose qu'on trouve en dehors de Chine à la même époque, cette idée que le cinéma pourrait être en quelque sorte une bible en images, ou en tout cas un manuel éducatif en images. Le cinéma dans les années 20-30, et on le voit aussi bien dans des mouvements internationaux occidentaux, pouvait vraiment jouer ce rôle éducateur. Après, encore une fois, vous l'avez dit vous-même, c'est une population majoritairement illettrée et aussi majoritairement rurale. Et donc le problème reste encore une fois celui de comment atteindre cette population. Comment atteindre cette population pour faire passer des idées, mais le cinéma, dans le champ culturel, reste malgré tout une industrie. C'est ce qu'on a lu hein, dans l'annonce de la création de cette compagnie cinématographique. C'est une industrie, donc il y a de l'argent. Et le champ culturel n'est pas dissocié du champ de l'économie. Il y a aussi la volonté, sans doute, Anne Kerland, de faire du commerce. Alors bien entendu, alors ce qui est un peu paradoxal, c'est que nos fondateurs de l'Aliénois, qui se situent dans une tradition lettrée qui est soi-disant désintéressée, bon qui ne l'était pas en vérité, mais veulent mettre en avant le projet culturel et ne veulent pas trop parler de ce développement économique. Cela dit, bien entendu, ils ont besoin du développement économique pour une raison simple, c'est qu'ils n'ont aucun financement de l'État. Donc ils ne peuvent pas s'en sortir s'ils ne réussissent pas à dégager des bénéfices en produisant leurs films. Et ça sera en fait toute la problématique de cette compagnie. Un immense projet culturel très ambitieux et en vérité des bases économiques tellement fragiles qu'elle ne parviendra pas à le déployer à la hauteur de ses ambitions. Anne Kerlan, pour mettre en perspective ces studios que vous avez étudiés, Aliénois, il faut dire que dans ces années 1930-1940, parce que le studio prend fin en 1948, dans ces années-là, il n'y a pas que ce studio-là, il y a d'autres compagnies cinématographiques. Oui, alors il y a d'autres compagnies cinématographiques, toutes privées, au moins jusque 1938-1940, toutes privées, et qui, les plus grandes, ont toutes une réflexion politique adossée à leur activité culturelle. Certaines sont même très engagées politiquement, des compagnies qui vont être labellisées plus tard comme compagnies de gauche, parce que elles travaillent avec des réalisateurs ou des scénaristes proches des partis communistes. D'autres compagnies qui vont plus aller vers le divertissement, et là je pense à la compagnie dite Tien-Yi, l'unique, qui est l'ancêtre de cette compagnie bien connue à Hong Kong, des Shaw Brothers, et qui va, dès ce moment-là, réaliser des films, par exemple, très inspirés des légendes bouddhistes, des films de cap et d'épée, avec cette volonté de divertir. Et ce qui est intéressant avec cette compagnie aussi, c'est qu'elle va très vite s'adresser à une population chinoise hors de Chine, dans la diaspora. Oui, la diaspora est vraiment un phénomène essentiel en amont et en aval dans le cinéma chinois, en amont pour les financements et en aval pour regarder tous ces films. Et elle est très importante parce qu'encore une fois, à l'époque, il y a cette question d'une identité culturelle chinoise qui dépasserait le simple territoire de la Chine. Et évidemment, le cinéma est un moyen de former une communauté culturelle, une communauté de destin. Et les entrepreneurs qui participent à l'Aliénois et qui viennent de la diaspora, ou ceux qui sont à la Tien-Yi, ont ce souhait finalement de dépasser les frontières et les mers et par le cinéma, de quels que soient les lieux où vivent les Chinois, qu'ils se retrouvent sur une communauté culturelle. Et dans cette communauté culturelle, il y a donc des films qui relient ces hommes, ces femmes. Par exemple, Une rivière coule vers l'Est, c'est un film de Chai Chun-seng, un film de 1947. En voici un extrait. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Anne Kerlan, en écoutant ces quelques mots, vous souriez en faisant oui de la tête. Ça... Ouais, parce que je vois la scène en fait, c'est un très beau moment du film. Bon, ça serait un peu long de raconter l'histoire, mais c'est un moment du film où cet homme, c'est pendant la guerre, se trouve dans la capitale de l'état nationaliste Chongqing et pense à sa famille qu'il a laissée à Shanghai sous les bombes, Shanghai occupée par les Japonais. Et cette femme qui lui parle va devenir sa maîtresse et elle est une profiteuse de guerre, disons-le rapidement, et lui demande s'il se pense à sa maison comme il est malheureux et triste ici tout seul et en fait elle lui propose de le consoler, voilà, et c'est un moment important du film et qui à l'époque quand le film est sorti a beaucoup résonné dans l'esprit des spectateurs parce qu'il récapitulait ses expériences de guerre, ses déchirements, ces tragédies qu'ont connues les Chinois qui ont vécu pendant la guerre dans des territoires très très différents. Anne Kerlan, quand vous étudiez, c'est ce qui nous intéresse ce matin dans le cours de l'histoire, le cinéma chinois et notamment ses studios, l'Aliénois, nous voyons bien la volonté de créer une identité commune, de parler à une communauté culturelle. Derrière cela, il y a de la politique. Dans cette Chine des années 1930 et années 1940, comment s'oriente la politique ? On sait bien que la Chine est divisée entre deux grands mouvements, nationalistes et communistes pour simplifier. Comment s'inscrit le cinéma chinois dans cet univers-là ? Alors, Le cinéma chinois, dans cet univers, si vous voulez, va devoir de plus en plus prendre parti. Au départ, encore une fois, à la fin des années 20, on est dans une industrie cinématographique qui cherche à divertir et à instruire. Et l'idée d'instruire n'est pas une idée politiquement marquée. Le problème, c'est que dans les années 1930, en raison notamment de cette guerre civile larvée entre les communistes et les nationalistes, les maisons de production, les studios, vont de plus en plus avoir affaire à la censure d'État, et vont de plus en plus aussi avoir à exprimer les frustrations de la population chinoise, et en particulier de la population intellectuelle, qui voit à quel point le gouvernement nationaliste, à force de mettre ses efforts, de concentrer ses efforts sur la guerre contre les communistes, en oublie de protéger la Chine contre les Japonais, et surtout ne permet pas de faire de la société chinoise une société apaisée et unie. Donc, il va y avoir, si vous voulez, un moment où les studios, un peu sous la pression des spectateurs, vont prendre le parti de réaliser des films relativement engagés sur le plan politique, mais engagés parce qu'il s'agit de parler des maux de la société chinoise. Il ne s'agit pas de prendre parti pour les nationalistes ou les communistes. Il s'agit de décrire la vie du peuple chinois, qui est à l'époque une vie de labeur, d'exploitation. Il s'agit de parler de ce qui ne va pas dans une société extrêmement désunie. Et donc, ça, c'est quelque chose qui va donner parmi les plus grands films des années 1930. Après, on arrive pendant la guerre, et là, on est dans une autre problématique. C'est-à-dire que, évidemment, la question du patriotisme va devenir essentielle. Et les films chinois vont répercuter cette question avec tous les problèmes de censure qui font qu'on ne peut pas le faire directement. Et puis, dernier temps, après la guerre, après 1945, où très vite, comme vous le savez, la Chine rentre en guerre civile, et où là, à nouveau, en fait, et même plus qu'avant la période d'avant-guerre, les studios vont devoir prendre parti, et tout en restant privés, certains studios seront très clairement beaucoup plus du côté des communistes et d'autres beaucoup plus du côté des nationalistes. Et hors de la politique, dans la volonté de créer une communauté culturelle, Anne Kerlan, est-ce qu'il y a une réussite de ces studios ? Ils y arrivent à donner l'idée que la Chine est une culture et qu'il faut s'affranchir de la domination de la présence occidentale ? C'est difficile de mesurer l'efficacité, on va dire, qu'ont pu avoir ces studios et les films de la Lianhua notamment, vu ce que la Chine a connu. Ce qui paraît assez... Je dirais que quand on pense à ce qui se passe aujourd'hui dans le cinéma chinois contemporain, on voit à quel point cette réflexion, ces efforts, il me semble, en termes formels ou en termes justement de stratégie économique, ont peut-être été quand même les prémices de choses qui ont pu être poursuivies plus tard. Je pense par exemple sur le plan formel à toute cette question de savoir de comment faire un film chinois, de culture chinoise, tout en utilisant beaucoup la grammaire, le vocabulaire, le style hérité de Hollywood, mais sans être complètement hollywoodien. Il me semble que ça, ce sont des problématiques qui ont démarré à cette époque-là et qui, pour certaines, ont peut-être donné leurs fruits plus tard. Anne Kerlan, les studios Lianhua disparaissent en 1948. L'année suivante, Mao arrive au pouvoir, le changement est radical en Chine, et l'année suivante, la radiodiffusion française fait un reportage, nous sommes le 23 mars 1950, un reportage intitulé « Les apprentis de la planète », un reportage en Chine où Raymond Neuville est interviewé. Y a-t-il un renouveau des arts dans la Chine actuelle ? Telle est la question que nous posons maintenant à un jeune Français qui revient de Shanghai. Raymond Neuville, en effet, jeune docteur en droit, vient d'être professeur pendant 3 ans en Chine. Et il le fut à la fois sous le régime du Kuomintang, c'est-à-dire de Chiang Kai-shek, et sous celui du régime communiste actuel de Mao Tse-tung. Oui, il y a un renouveau complet des arts et de la vie artistique dans la Chine actuelle parce que les dirigeants de la nouvelle démocratie compte sur les artistes pour expliquer au peuple les grands thèmes de la démocratie nouvelle. Je crois que le théâtre est l'art le plus intéressant en Chine à l'heure actuelle, parce que c'est au théâtre que l'on a confié l'explication des grands thèmes de la nouvelle démocratie. 3 thèmes essentiels, l'antiféodalisme, l'anti-impérialisme et l'anti-bureaucratisme. Évidemment, comme la plupart des Chinois sont encore analphabètes, il était plus facile de communiquer ces grands thèmes par le théâtre. Anne Kerlan, quand on est écoute ce reportage de 1950, on se dit qu'il y a malgré tout une continuité. La Chine a changé. La Chine républicaine devient la Chine communiste. Cette continuité-là transparaît dans le cinéma. Oui, alors elle transparaît déjà par ceux qui font les films, c'est-à-dire que il y a quand même beaucoup de personnes qui ont travaillé dans les studios d'avant 1949 et qui vont malgré tout continuer de travailler dans les studios. Donc il y a aussi une continuité en effet thématique, par exemple cette question de films qui doivent évoquer les souffrances du peuple va bien évidemment se poursuivre. Et puis il y a probablement encore plus même dans la Chine communiste, cette volonté de faire du cinéma, cet art du peuple, cet art qui va s'adresser au peuple et éduquer le peuple. Pourquoi les studios Lenroy disparaissent en 1948 dans votre travail, Anne Carland, vous avancez plus que des hypothèses, hein, plusieurs directions, plusieurs explications possibles. Comment ça se termine cette histoire-là ? Alors, il faut déjà dire que les films, les studios Lienroy n'ont plus tourné aucun film sous le nom Lienroy après l'invasion japonaise de 1937 et qu'ils continuent d'exister administrativement, mais sur le plan voilà, de la production, c'est quand même assez limité. En 1948, le constat, c'est un constat de désunion. C'est-à-dire que les hommes qui, pendant un temps, dans les années 1930, ont réussi à travailler ensemble dans un environnement difficile, et ils n'étaient pas tous d'accord politiquement, mais avaient réussi quand même à se retrouver sur un objectif commun, ce n'est plus possible en 1948. En 1948, les positions politiques sont beaucoup trop divergentes, certains étant clairement parti vers l'idée qu'il faut faire table rase et reconstruire tout, y compris justement le cinéma. D'autres voulant conserver, continuer ce qui s'était fait. Et à partir de là, évidemment, les questions financières qui ont toujours été extrêmement cruelles à la Lienroy ont mis fin à cette utopie. Anne Carland, en plus, vous évoquez le rôle de l'épouse de Mao dans cette histoire-là. Ah oui, alors il y a cette chère Madame Mao Jiangqin qui a fait ses débuts au cinéma à la Lienroy, donc aux alentours de 1935. Ça ne s'est pas très bien passé, elle avait apparemment déjà assez mauvais caractère et un des films dans lequel elle a tourné, réalisé par un très très grand cinéaste qui s'appelle Fei Mu, bon, il y a des échos de disputes entre elle et Fei Mu, elle et une autre actrice du nom de Li Lili. Et plus tard, Madame Mao va jouer un rôle très important dans la Chine communiste, en particulier à partir des années 1960 dans le domaine culturel. Et elle n'aura de cesse, en vérité, de chercher à se venger véritablement de ses anciens camarades, de ses anciens collègues de cinéma. Elle fait souffrir véritablement les cinéastes, les réalisateurs, les acteurs et les actrices. Certains comme Li Lili, l'actrice Li Lili, ne pourra pratiquement plus jouer dans des films après l'avènement des communistes. Elle deviendra enseignante à l'Institut du film de Pékin. Et puis bon, tout ça atteint son paroxysme pendant la révolution culturelle où malheureusement un nombre non négligeable de gens du cinéma vont connaître la prison ou la mort et Jiangqin en est directement responsable. Anne Carland, vous allez rester avec nous parce que nous allons quitter les studios Lenroy de Shanghai pour faire un petit tour à Hong Kong. Et nous allons faire cette transition de manière sublime parce qu'elle se fait avec Shuang Shuang Yan. C'est le titre d'une chanson qu'on retrouve sur la bande originale du film In the Mood for Love, un film du Hongkongais Wong Kar-wai, un film de 2000. Je ne peux pas extrait de la bande originale du film In the Mood for Love dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Elig avec aujourd'hui à la technique Marie-Claire Oumabadi. Dans le cours de l'histoire aujourd'hui, nous nous posons la question comment le cinéma chinois est devenu un outil diplomatique, culturel et politique incontournable. Après avoir un tour dans les années 1930-1940 dans les studios à Shanghai, nous voici à Hong Kong. Nachidil Rouaille, tout ce que nous avons entendu, toutes les réflexions d'Anne Kerlan sur ce qu'était le cinéma dans la Chine républicaine des années 30-40, en fait, oui, se retrouve vraiment dans ce que vous avez étudié. Alors, vous êtes géographe et vous avez étudié le contemporain, mais pour étudier le contemporain, il faut regarder un peu le passé. On retrouve toutes ces problématiques-là aujourd'hui. Absolument. C'est-à-dire que le cinéma hongkongais s'est aussi construit par rapport à tout ce qui a été évoqué, et notamment à l'histoire. Il faut pas perdre de vue que les cinéastes hongkongais sont des cinéastes chinois qui ont fui la Chine à divers moments, et notamment lors de la prise de Shanghai par les Japonais, puis lors de l'accession au pouvoir de Mao. Donc il y a eu des vagues successives de migration vers Hong Kong, et notamment d'acteurs, de réalisateurs de l'industrie cinématographique chinoise. Donc le cinéma hongkongais s'est construit à travers cette histoire chinoise, cette histoire de la Chine continentale. Ça voudrait dire qu'à Hong Kong, on va retrouver peut-être plus qu'ailleurs les traces de ce qu'a été le cinéma chinois des années 30-40, en tout cas avant l'arrivée au pouvoir des communistes en 1949. Absolument, c'est-à-dire que dans le cinéma hongkongais, on ressent une très forte, dans le cinéma hongkongais à partir des années 30, et puis jusque dans les années 60-70, on ressent une très forte nostalgie de la mère patrie, une très forte nostalgie de la Chine. Et en fait, les thèmes abordés dans les films hongkongais vont être des thèmes qui ont trait non pas à la culture hongkongaise, mais vont être des thématiques qui ont trait à la culture chinoise, la culture de Chine continentale. Et vous parliez tout à l'heure de la diaspora, ce sont aussi des films qui sont faits, qui sont créés pour cette diaspora, pour ces Chinois qui ont fui aussi, ou qui sont partis, en tout cas. Et du coup, l'importance de la mise en scène de la Chine, on va avoir dans les films hongkongais, beaucoup de mise en scène de grandes forêts de bambou avec on va parler mandarin également. Le cantonais va arriver très tardivement. Donc en fait, les marqueurs de Chine continentale vont être extrêmement présents, et cette nostalgie de la mère patrie va être extrêmement prégnante dans les films hongkongais. Nachidil Rouaille, nous comprenons bien que ce cinéma hongkongais est destiné entre autres à la diaspora, mais parfois il arrive devant un public occidental. C'est ce qui s'est passé en 1964. Et dès lors, les spectateurs réagissent. C'était à la radio française, dans l'émission Connaître le cinéma, qui a un petit air de Masque et la plume avant l'heure. Oui, le 2 mai 1964. Bon, y a-t-il des avis, madame ? Je ne tiens pas du tout à mettre dans la peau des Chinois pour voir ce film. Et je trouve que pour nous, c'est complètement dépourvu d'intérêt. C'est tout à fait grotesque, uniquement grotesque, enfin. Je comprends pas. Voilà un avis extrême. Non, c'est pas supportable. Enfin, personnellement, je laisse aux Chinois leur cinéma une fois pour toutes. On m'y prendra plus jamais. Monsieur. Rien qu'au point de vue couleur, au point de vue paysage, au point de vue documentaire, c'est déjà pas mal comme ça. Même en se faisant abstraction du scénario, c'est déjà très bien. Moi, je trouve que la couleur, ça fait carte postale. Hein. Et puis, on passe d'un plan à l'autre, il n'y a aucune liaison, il n'y a aucun lien. Madame ? Justement, au point de vue technique, je trouve que la synchronisation est très mal faite. Les parapluies de Cherbourg, eh bien, personne ne s'aperçoit que c'est doublé. Tandis que là, les chants ont été enregistrés d'abord, et puis alors les gens ouvrent vaguement la bouche et ça ne va même pas ensemble. Alors c'est très gênant. C'est très gênant. En 1964, le public réagit au cinéma chinois à la radio française. Nachidil Rouaille, comment était perçu en Occident le cinéma chinois dans ces années-là, dans ces décennies des années 60-70? Alors, le cinéma chinois était, et notamment les films de sabre, et j'imagine que ces gens-là réagissaient à ce genre de films. Ils parlent de paysages, pour certains, ils trouvent ça grandiose, pour d'autres, c'est très mal fait. C'était en fait un genre qui était réservé aux aficionados. Il y avait très peu, enfin le grand public n'avait pas forcément accès à ce genre de films. Par contre, ça a changé avec Bruce Lee. En tout cas, le cinéma hongkongais a acquis une aura internationale grâce non pas à ses grandes épopées historiques, mais plutôt aux films de kung-fu qui là sont devenus des films qui ont été diffusés, qui ont été notamment distribués aux États-Unis par la Warner Bros. Donc du coup, il y a eu une mise en avant du cinéma hongkongais à partir de ce moment-là. Et je pense que donc années 70, c'est ce moment qui a fait aussi la bascule où l'Occident a commencé à véritablement consommer du cinéma chinois à travers le cinéma hongkongais. Le cinéma hongkongais a été une sorte de premier pas pour la consommation du cinéma chinois en Occident, notamment aux États-Unis. Nachi Delroy, nous imaginons bien que l'ensemble de la production de propagande sous la Chine communiste ne passait pas les frontières, non pas simplement parce que ça posait problème politique, mais aussi parce que ce n'était pas regardable avec des yeux d'occidentaux. C'était pas regardable, et puis en plus, concrètement, d'un point de vue technique, en effet, on était quand même assez loin des super productions américaines et hollywoodiennes. Donc c'était un genre assez particulier et il a fallu attendre longtemps avant que Hollywood et que les spectateurs occidentaux aussi à travers le prisme hollywoodien s'emparent de ce genre cinématographique. Et je pense notamment au wuxiapian qui est un genre cinématographique. Ce sont les épopées historiques à base de sabres. Les films de sabre chinois, en fait, ce genre-là, qui est très présent dans le cinéma, notamment dans le cinéma hongkongais, depuis les années 40, 50, 60, en fait, a pu véritablement percer en Occident qu'au début des années 2000, et notamment avec le film Tigre et Dragon de Ang Lee. Oui, Tigre et Dragon de Ang Lee, qui est vraiment un moment de cinéma où un cinéma chinois se diffuse dans le monde entier et reconnu comme œuvre. Jusqu'alors, nous avons un jeu de miroir, on le sent bien, entre ce qu'offre le cinéma chinois au monde, ça passe ou ça passe pas, et puis comment les Occidentaux, à travers leur cinéma, regardent les Chinois. Pendant longtemps, la posture, la figure du Chinois a été plutôt méprisé, un jeu de regard amusé et de mépris. Allez, nous aussi, on s'en amuse avec un extrait souriant, c'est OSS 117, Rio ne répond plus, un film de Michel Hazanavicius avec Jean Dujardin, c'était en 2009. Vous savez décidément tout faire, Hubert. Ah, je n'ai fait que mon devoir, comtesse. Mais à l'avenir, vous devriez vous méfier de Monsieur Li. Et des Chinois en général, d'ailleurs. La fortune de la famille impériale attire bien des convoitises. Les salles rouges. Les salles jaunes. Non, les salles rouges. Ah, autant pour moi. Vous ne connaissez pas bien la Chine, monsieur Bonisseur de la Batte. Ah, ma foi, ne tient qu'à vous de m'en laisser explorer une partie, si intime soit-elle. Vous ne connaissez pas bien la Chine, OSS 117, Rio ne répond plus. Nachi Delroy, bon, sous trait d'humour, il y a toujours une petite vérité qui se cache dans ces films de culture populaire, mais de culture quand même. Ici, c'est le mépris face au monde chinois qui a longtemps perduré dans le cinéma occidental qui regardait la Chine. Oui, alors en fait, on peut très clairement l'appeler la sinophobie. Hein. Et la sinophobie, elle est présente déjà dans la société, et notamment dans la société et américaine, au milieu du 19e siècle, dans les années 1850, on a une forte sinophobie qui se met en place parce qu'on a une arrivée massive de travailleurs chinois. Et puis en 1852, on a quand même une loi d'exclusion des Chinois. Donc la sinophobie est bien réelle et bien présente. Et puis cette sinophobie, elle va en effet se manifester dans les œuvres culturelles. En 1913, on a Saxe Romer qui met en place la figure du Chinois fourbe, calculateur, qui souhaite conquérir le monde à travers ce personnage, le personnage de Fu Manchu, qui va devenir une figure archétypale et dont on retrouve en fait les traits déjà avec Jack London en 1904 avec Le Péril Jaune, en 1910 on le retrouve dans Une Invasion sans précédent, et on n'oublie pas que dans Une Invasion sans précédent la conclusion, c'est quand même d'éradiquer les Chinois à l'aide d'une arme bactériologique. Donc, on voit vraiment cette sinophobie qui s'exerce dans la culture, dans la littérature, et puis ensuite dans le cinéma. Et en fait, on se rend compte que si cette sinophobie et ce mépris des Chinois est très présente, le regard que va porter l'Occident sur la Chine va se transformer petit à petit. Et en fait, c'est très récent que cette transformation se soit aussi fortement opérée. Le début des années 2000 a commencé à transformer ça, et en fait, c'est plus particulièrement depuis les années 2010. Donc on est vraiment sur quelque chose de très récent, avec le boom notamment des coproductions entre la Chine et les États-Unis et Hollywood, que cette transformation du regard va s'opérer. Anne Kerland. Oui, je voulais juste réagir sur Fu Manchu pour dire que dans les années 20-30, parmi tous ces films américains qui arrivaient en Chine, il y avait énormément de ces films qui mettaient en scène les figures négatives du chinois, Fu Manchu, bon, ou des figures un peu comiques type Charlie Chan, et que donc, pour complexifier ce jeu de miroir, vous avez aussi toute une population chinoise qui voit ces effets de la sinophobie par le cinéma et qui s'est beaucoup posé de questions. Il y a eu énormément de débats autour de ces films, certains ayant été même interdits. La sinophobie du début du XXe siècle est alimentée en plus par la peur du communisme à partir des années 50 et 60. Donc on imagine bien la figure du chinois méchant dans les grandes productions hollywoodiennes. Rachidi Lerouaille, vous expliquez que la transition se fait très récemment, en fait, dans les années 2010. Un exemple avec La Grande Muraille, un film de Chang Yimou en 2016. Qu'est-ce que c'était ? Il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas encore vues. La Grande Muraille est le seul rempart qui protège le monde. Sainte Mère de Dieu. Que veulent-ils ? Se nourrir ! Ils se sont entraînés toute leur vie pour cette guerre. Je veux combattre à vos côtés. La Grande Muraille, un film de 2016, un film américano-chinois de Chang Yimou. D'ailleurs, on imagine bien que cette notion de grande muraille pour lutter contre toute forme d'entrée sur le territoire parle au public américain aujourd'hui. Nachidi Lerouaille, comment se construit cette économie du film, alors qui relie l'Occident à la Chine, peut-être à Hong Kong en particulier? Alors, ça, vous l'avez dit, hein, c'est un film américano-chinois, et ça, c'est extrêmement important, parce que l'économie de l'industrie cinématographique chinoise récente se dynamise beaucoup par les coproductions. Alors, ce film-là, en l'occurrence, a été le film le plus cher de l'histoire du cinéma chinois. C'est 150 millions de dollars de budget, c'est quand même pas rien. Ça n'a pas été un grand succès, à vrai dire. Ça a été plutôt un échec aux États-Unis et un semi-succès en Chine. Mais ce qui est intéressant, c'est que il représente bien ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que depuis quelques années, les studios américains lorgnent sur la Chine. Ils ont envie d'accéder au marché chinois parce que le box-office chinois est en plein boom. On était au début des années 2000 à un peu plus de 100 millions de dollars de recettes au box-office en Chine, et aujourd'hui on est quasiment à 10 milliards de dollars. Et donc le box-office chinois est en train de frôler le box-office américain, qui est depuis toujours le box-office le plus fort, hein, du monde. Donc la Chine arrive en deuxième position. Donc les studios américains ont tout intérêt à accéder au marché chinois. Notons aussi qu'il y a plus de salles de cinéma en Chine qu'il n'y en a aux États-Unis. Donc l'intérêt pour les studios américains, il est financier, il est économique et financier. Et pour les Chinois ? Alors, pour les Chinois, il est en termes d'image. Pourquoi ? Parce que, il est aussi financier, mais il est beaucoup en termes d'image. Parce que pour accéder au marché chinois, le marché chinois est un marché fermé. Chaque année, il y a un quota, et il n'y a que 34 films par an 34 films étrangers par an qui ont le droit d'être diffusés en Chine. Donc, pour pouvoir faire partie de ces 34 films, eh bien, on va devoir montrer un visage qui va plaire aux autorités chinoises. Si on veut passer outre ce quota, eh bien, on va créer une coproduction avec des acteurs chinois. Et pour ce faire, il y a des enjeux financiers. Il faut qu'au moins un tiers du film soit financé par la Chine, par des studios chinois. Mais il y a également des enjeux d'image. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des acteurs chinois et il faut qu'une partie du film soit tournée en Chine. Donc, vous vous rendez bien compte que ce soit pour intégrer le marché chinois en faisant partie des quotas ou pour l'intégrer en faisant partie d'une coproduction, il va falloir montrer un visage plutôt positif de la Chine, qui va plaire aux autorités. Et du coup, c'est une image qui est, pour la Chine, c'est un bénéfice qui est incroyable. C'est-à-dire que Hollywood va commencer à faire le travail de la Chine. C'est-à-dire, elle va commencer à montrer une image plutôt positive de la Chine, là où pendant des années ça a plutôt été le méchant chinois. Là, cette fois-ci, on va plutôt être sur des scientifiques chinois qui vont sauver le monde, la Chine qui va être montrée à travers ses quartiers financiers, à travers sa puissance économique, etc. Donc les enjeux en termes d'image sont excessivement importants. C'en est fini du chinois méchant dans les films hollywoodiens. C'en est fini aussi de parler du Tibet ou de divers problèmes frontaliers. C'en est fini de tout ça. Et ce qui est, et on le voit de manière particulièrement cocasse dans certains films. Et je pense, par exemple, à Iron Man 3, qui est une super production Marvel, et dans lequel on retrouve le personnage du Fu Manchu. On retrouve ce personnage du fameux chinois fourbe et calculateur. Sauf que c'est une coproduction. Ce Iron Man 3. Et donc, dans le film, alors que dans les comics, on a le personnage qui ressemble à ce personnage de Fu Manchu, dans le film, en fait, il va être interprété par Ben Kingsley, donc un acteur anglais. Le personnage va être un anglais féru de culture chinoise et va être finalement plus un bouffon du roi qu'un vrai méchant. Donc on va transformer le méchant pour qu'il ne soit plus méchant et qu'il ne soit plus chinois. Donc en effet, on est complètement passé à autre chose. Merci beaucoup pour ce long panorama, mais essentiel en fait, de cinéma chinois du début du XXe siècle à nos jours, en voyant la transformation complète où on est passé du chinois méchant au chinois gentil, mais avec toujours des petites questions d'argent, car le cinéma, malgré tout, reste une œuvre économique. Il est temps, dans le cours de l'histoire sur France Culture, de retrouver Anaïs Quien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui dans le journal de l'histoire, l'histoire se raconte sur Instagram. Walden, que l'on pourrait traduire par « emmuré », est un roman graphique, une bande défilée conçue pour Instagram. Sous-titré « Thriller historique sur le mur de Berlin », ces trois chapitres de 10 épisodes racontent trois vies liées au mur. Nous sommes en 1962, quelques mois après l'érection du mur de Berlin, c'était dans la nuit du 12 au 13 août 1961. Berlin, que partageait une ligne officielle mais idéale, vient de voir tomber entre ces deux zones le rideau de fer. Ce matin-là, Berlin s'est éveillé au bruit des marteaux-piqueurs qui trouaient l'asphalte. Dans la nuit, le gouvernement de Pankow, pour enrayer l'hémorragie des populations vers l'Allemagne de l'Ouest, qui, en 10 ans, lui avait enlevé 2 millions d'hommes, avait décrété la fermeture des communications entre les deux zones. Et sur 40 kilomètres de longueur, ces 40 kilomètres par lesquels on pouvait encore choisir la liberté, la barrière s'établissait. Rue barrée, pont barré, métro arrêté. Geoffrey Lavigne et Marguerite Boutrolle, les réalisateurs de Walden, associent le dessin, la photo, les archives pour inventer un univers à mi-chemin entre la fiction et l'histoire. Ces planches donnent à voir l'épaisseur d'un univers, la matière d'une mémoire et cet entre-deux, entre documentaire et fiction. L'épaisseur du temps s'incarne dans cette accumulation de matière et accompagne les parcours de Dorit, Vili et Marianetta, confrontés à cette frontière politique qui infléchit le cours de leur vie. Vili, mobilisé dans l'armée de la RDA comme garde-frontière, doit abattre ceux qui fuient et composer avec sa honte, Marianetta profite de son passeport autrichien pour se faire passeuse des clandestins vers l'ouest, tandis que la vie de Dorit se trouve écartelée entre les deux côtés du mur, entre son enfant et son amant. Le thriller sur Instagram se tisse au fil de ses trajectoires qui se croisent toujours de manière inattendue. West of the wall, I'll wait for you. West of the wall, our dreams can all come true. Dans Walden, la narration est concise, acérée et haletante, mais aussi interactive. Les stories sont dévolues à la partie documentaire. On vous y raconte qui sont les personnages réels qui inspirent les caractères de fiction. Et les concepteurs tirent les fils de leur création pour vous révéler tous les replis de l'histoire du mur de Berlin qui les ont conduits à leur récit. Un usage malin d'Instagram qui se fait digne héritier du webdoc tombé en déshérence. La voix d'hiver arrive. Et une conception du documentaire de fiction, le docu-fiction, qui tient ses promesses. L'association de la fiction et du documentaire nous laisse souvent un peu désorientés tant il est parfois difficile de démêler le vrai de la licence créatrice. Cette fois-ci, tout est à portée du doigt pour assouvir sa curiosité. Un vrai thriller et deux registres de lecture, on découvre un panorama cinématographique du mur, une histoire des communications entre les deux Allemagnes, les aléas de prestige du foulard bleu des organisations de jeunesse de la RDA, pour une histoire de l'intériorisation de l'idéologie et de l'enfermement, ou encore une histoire en chanson de l'apparition de cette nouvelle frontière de béton. Wold-in, ou l'usage optimisé des réseaux sociaux pour raconter l'histoire, jetez-y un œil. Oui, jetez-y un œil. Retrouvez Wold-in sur Instagram et le journal de l'histoire sur franceculture.fr. Toute la semaine dans le cours de l'histoire, nous nous intéressons à la Chine en partenariat avec le magazine L'Histoire. Aujourd'hui, c'était le cinéma. Demain, le siècle de l'humiliation. Oui, ben, les guerres de l'opium qui expliquent beaucoup la Chine du XXe siècle et la Chine d'aujourd'hui. Et puis, nous continuerons en regardant les travailleurs chinois venus, mais pas de leur choix, travailler chez nous, pendant la Première Guerre mondiale. C'était le cours de l'histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscane-Viudès et Camille André. Le cours de l'histoire à retrouver dès demain.